Salut et fraternité, chers auditeurs de France Culture, que je suis si heureux de retrouver en cet invincible été. À l'époque où nous avions conçu avec Marie-France Thibault la grande traversée de l'œuvre d'Albert Camus, je débutais en Camusie et découvrais émerveillé les cris de la pierre et la stupeur de l'étranger. Cette poésie de l'intelligence qui écrit par éclat, qui pratique la philosophie sans le savoir et qui fait de la métaphysique avec des métaphores. On ne pense bien que par image, disait Camus. De fait, réfléchir avec lui, c'est délicatement déplier, comme les ailes encore écailleuses d'un papillon naissant, les chevaux compacts, évasifs et denses, d'intuitions géniales et d'intentions honorables. Eh bien, 10 ans plus tard, figurez-vous que rien n'a changé. Lire Camus, écouter sa voix, explorer indéfiniment le paradoxe d'une énergie qui se passe d'espoir, c'est vivre sous le soleil exactement comme dirait l'autre. Vous allez entendre cette semaine, ou réentendre peut-être, les témoignages bouleversants de Jean-Claude Briseville, qui fut le dernier à déjeuner avec Camus avant la parution de L'Homme révolté. De Elena Bossis, ancienne directrice du Théâtre Antoine, où Camus mit en scène Les possédés de Dostoïevski. De Jean Daniel, bien sûr, qui reviendra sur l'aventure de la revue Caliban. Et Michel Bouquet, qui, le saviez-vous, était l'un des acteurs fétiches du dramaturge. Mais vous allez entendre aussi des archives infiniment précieuses autour de la remise de son prix Nobel, de son amour du théâtre, de son talent de journaliste et des maîtres qu'il s'est donné. Enfin, vous entendrez une conversation que j'espère passionnante, en tout cas dont je garde le meilleur souvenir, avec Laurent Bove et Myriam Corrichi sur l'étranger, dans un texte servi par la voix de Denis Lavant. Rien de moins. Par ailleurs, les émissions que nous avions consacrées cette semaine-là au mythe de Sisyphe avec André Comte-Sponville ou à la chute ou encore à l'homme révolté seront désormais indéfiniment accessibles et téléchargeables en ligne sur le site de France Culture. Allez, aux armes, aux larmes donc, Camus, la pensée de midi, ça commence, ça recommence maintenant. Alors entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Automne 1957, Albert Camus est alors franchement déprimé au sortir d'un été stérile et décevant. Dans une lettre du 17 septembre à son ami René Char, l'écrivain confesse même son envie de disparaître. Et c'est dans ce contexte que, tel un cadeau empoisonné, le comité Nobel croit bien faire en lui décernant son prix. Nous sommes le 16 octobre, Camus est à table chez Marius, rue des Fossés-Saint-Bernard, avec Patricia Blake, quand un chasseur vient lui annoncer la mauvaise nouvelle « Vous avez le prix Nobel ». Quoi de pire qu'un tel mausolée quand on n'arrive plus à écrire ? Il aurait dû aller à Malraux, répète inlassablement Camus, pâle comme un linge, avisé que ses adversaires disposent avec ce tombeau d'une arme fatale désormais pour enterrer son œuvre. Les méchants ne s'y trompèrent pas, de Jacques Laurent à Roger Stéphane, c'est-à-dire de l'extrême droite à l'extrême gauche, les ayatollahs de l'époque déclarent la fin de son œuvre, raillent son humanisme suranné et la sclérose précoce de son talent. Pourtant, ses amis l'encensent, comme vous allez l'entendre, et Camus donne le change, serre la main de l'ambassadeur et boit de l'aquavit chez Gallimard le 17 octobre, lors de la réception qui est organisée en son honneur. Mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est au sommet de sa gloire que l'auteur du malentendu touche à le fond. Quand on aime la vérité, on se méfie des compliments. Cher monsieur Camus, je vous apporte la bonne nouvelle. L'Académie suédoise vous a en effet aujourd'hui, à sa session de cet après-midi, décerné le prix Nobel de littérature pour, et je cite textuellement le message de l'Académie, votre importante œuvre littéraire qui met en lumière avec un sérieux pénétrant les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes. Vous êtes le 9e Français à recevoir cette haute récompense. Je suis heureux de constater que la France distance ainsi de loin dans cette grande compétition internationale de génie littéraire tous les autres pays. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et je vous prie de transmettre à l'Académie suédoise mes remerciements, particulièrement au nom de mon pays et surtout les remerciements d'un écrivain français d'Algérie. Eh bien, au moment où nous vous parlons, nous sommes persuadés que le téléphone d'Albert Camus est décroché, il ne pourrait plus répondre à tous les messages de félicitations, il doit recevoir des lettres, il doit recevoir des télégrammes, mais les réactions d'Algérie doivent être lui être très sensibles, bien sûr, à son cœur d'enfant de l'Algérie, puisqu'il est né dans le Constantinois, et nous allons tout de suite écouter ses réactions en nous mettant en communication directe avec notre rédaction d'Alger. À vous, Alger. Allô Paris, ici Alger. La nouvelle de l'attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus a provoqué ce matin à Alger des réactions les plus diverses, d'une part en raison même de la présentation au conditionnel des manchettes de presse, et d'autre part en raison des controverses toujours très vives qui s'instaurent autour de l'œuvre et des prises de position politiques de l'auteur du malentendu, de la peste, de l'étranger, de l'homme révolté et de l'été. Nous avons pu joindre dans la journée ses compagnons de la première heure, ceux qui l'ont aidé à fonder le théâtre du travail et le théâtre de l'équipe, ceux qui ont publié ses premiers ouvrages comme l'introuvable, l'envers et l'endroit et l'admirable Nos Atipaza. Tous ne peuvent parler ici, mais l'un d'entre eux le fera pour tous. Il s'agit de l'écrivain, ami d'Albert Camus, Emmanuel Robles. Nous sommes ici quelques-uns, des vieux amis de Camus, réunis à Radio Algérie. Il y a là un de ses premiers professeurs, il y a son premier auditeur, ses premiers camarades comédiens. Bref, nous sommes là une toute petite équipe qui représentons une partie de la jeunesse de Camus. Nous sommes ici très émus parce que nous revoyons maintenant, et nous avons évoqué tout à l'heure, cette figure de tout jeune homme qui déjà s'imposait par une magnifique maîtrise. Il y avait déjà à 20 ans tant de dons en lui, tellement d'autorité, une telle soif de vérité, un tel esprit de fraternité, que tout cela a émergé dans son œuvre, a créé cette œuvre admirable, toute remplie précisément de vérité, de justice et de fraternité. Si le hasard permettait ce soir à Albert Camus d'écouter vos paroles, Emmanuel Robles, je voudrais également qu'il puisse entendre celui qui fut son grand maître, c'est-à-dire le professeur Paul Mathieu. Eh bien, mon cher Camus, si par hasard vous vous trouvez à l'écoute, évidemment, ce soir, vous devinez quelle immense joie est la mienne, évidemment, d'apporter mon propre témoignage, qui, si ancien qu'il soit, vous savez, est aussi vif, évidemment, aussi chaleureux et aussi affectueux qu'au premier jour. Enfin, nul plus que moi ne pouvait se réjouir d'un succès, ne pas dont j'avais prévu, ne pas qu'il se réaliserait d'une façon inévitable, enfin, étant donné toutes les qualités qui étaient les vôtres. Quant à moi, je voudrais simplement ajouter qu'une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecour, Madame Camus. Je ne dirais combien sa mère était surprise, ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. Très simplement, sur la table quotidienne, elle repassait une chemise, elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant « Vraiment, je n'aurais jamais cru que ce petit puisse aller si loin. Il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné deux petits-enfants. Ici Alger, à vous Paris. » Voilà, vous venez d'entendre l'écho donné le soir même à la radio par les amis de Camus à l'obtention du prix Nobel. Ce qui est vrai, c'est que Camus se méfiait de la reconnaissance et n'aimait pas l'argent, or le voici étiqueté comme humaniste, riche à millions et en première page du New York Times. Camus, à l'époque, n'arrivait plus à écrire une ligne pour lui-même, et le voici contraint de répondre aux lettres qui lui parviennent du monde entier. L'histoire raconte même qu'on dut embaucher pour cette tâche une dactylo supplémentaire pendant 4 mois. Camus n'aimait rien autant que la solitude de l'écrivain et la bonne compagnie des pensées intimes. Or, il aura désormais, c'est lui qui le dit, toujours des gens pour regarder par-dessus son épaule. Et puis Camus aimait le football et la nudité des corps dans l'eau. Or, le voici bien habillé à déjeuner, puis à dîner à l'ambassade, contraint de porter des décorations sur le col de son vêtement. Enfin, Camus aimait le sud et le voici en Suède. Il adorait les amis, le soleil et l'été, le voici flanqué d'un attaché du ministère, ballotté entre les obligations officielles dans un pays où, en automne, la nuit tombe à 15h. Dans ce désastre glorieux, sa seule consolation était de se dire qu'en smoking, il ressemblait encore plus à Humphrey Bogart. C'est dans ce contexte, bizarre donc, qu'il tient le discours que vous allez entendre, le fameux discours de Stockholm, où perce, sous l'enveloppe des convenances et l'attitude officielle, la mélancolie profonde d'un homme étranger partout, qui n'est riche selon ses propres termes que de ses doutes. Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur à l'heure où en Europe d'autres écrivains et parmi les plus grands sont réduits au silence et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires, je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Permettez seulement que dans un sentiment de reconnaissance et d'amitié, je vous dise aussi simplement que je le pourrai, quelle est cette idée. Je ne puis vivre personnellement sans mon art, mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscures ou provisoirement célèbres, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, Elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdu sans secours, comme tous les hommes de mon âge, dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligé est obligé à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimiste. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu se forger un art de vivre par temps de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l'occasion, sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autre titre que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérable mais entêté, injuste et passionné de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double les créations qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier, elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur. Ramené ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder. Plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir avec votre permission, comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier du fond du cœur et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour, se fait à lui-même dans le silence. Bon, heureusement, le soir du discours, Camus a ce qu'on raconte dans sa tare dans la nuit, le tcha-tcha-tcha, avec la crème des étudiants suédois. Et deux jours plus tard, le 12 décembre, lors d'une rencontre à l'université, répondant aux interjections un peu haineuses d'un jeune militant algérien qui l'accusait de parler de l'Europe de l'Est, mais jamais de l'Algérie, après avoir rappelé à son auditoire qu'il avait été le seul journaliste français obligé de quitter l'Algérie pour avoir défendu les droits des musulmans, Camus, épuisé, déclara « J'ai toujours condamné la terreur, je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Cette phrase, qu'on lui a tant reprochée, prouve avant toute chose que Camus était trop sensible, c'est-à-dire trop intelligent, pour prendre parti. Et c'est ce qui donne en un sens toute sa saveur à la conférence de presse qu'il avait tenue peu avant le discours de Stockholm, juste à son arrivée. Conférence de presse que vous allez entendre maintenant et dans laquelle l'homme déchiré raconte debout la nécessité de concilier la solitude et la solidarité. Je crois que nous avons intérêt à commencer tout de suite et il n'y a pas à vous présenter, Monsieur Camus. Le privilège des grands écrivains, c'est que chacun peut s'en faire une image. Ce matin, on ne vous offre que l'occasion de confronter l'image que vous vous êtes faite de M. Camus avec celle que vous trouvez en face de vous maintenant. Si vous permettez, je vais parler debout sans que vous vous dérangiez parce que je n'aime pas être assis. Alors, je vous écoute. M. Camus, je vous expliquer votre point de vue sur l'engagement de l'écrivain dans notre temps. Monsieur, je dois faire une conférence à Uppsala sur ce sujet exact. Est-il utile que je la résume? Oui. Alors, je la résume en une formule, puisque ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus tôt dire des choses brèves et qui seront développées par la suite. Alors, je vous donnerai une formule de cette conférence. C'est que je ne crois pas que l'engagement de l'écrivain ressemble à un engagement volontaire, mais plutôt au service militaire obligatoire. Monsieur Camus, lequel de vos personnages regardez-vous comme celui qui parle plus directement, plus ouvertement avec la voix d'Albert Camus? Vous savez, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, parce que j'ai toujours pensé que tous les personnages d'un écrivain représentaient une de ses tentations. Pour moi, un écrivain, c'est une vitalité. Quand je dis écrivain, c'est parce que je suis écrivain. Je devrais dire un artiste, c'est une vitalité. L'écrivain, par conséquent, en est une vitalité, c'est évidemment une force de vie multiforme qui prend plusieurs, qui peut prendre plusieurs pentes, qui est tentée par tout. Eh bien, je ne peux pas vous dire lequel de mes personnages peut être considéré comme un de mes porte-paroles. J'ai l'impression que je les suis tous, même ceux qui peuvent paraître moins sympathiques que les autres. Monsieur Camus, vous disiez que tous vos personnages représentaient une tentation de l'artiste. Pourtant, si vous regardez votre œuvre depuis le début, est-ce que vous pourriez dire que vous réécririez exactement, par exemple, le mythe de Sisyphe comme vous l'avez pensé? Ou est-ce que ce mythe de Sisyphe, par exemple, représentait un aspect de votre pensée, aspect individuel, et est-ce que votre pensée s'est développée après? Parce qu'il n'y a rien à faire. Je me demande si, malgré ce que vous venez de dire, un personnage comme le docteur Rieu ne représente pas plus votre pensée intime que l'étranger, ou même peut-être que le héros de la chute. Ou que le héros de la chute, certainement, n'est-ce pas? Mais vous avez raison, j'aurais dû ajouter simplement à ce que j'ai dit la précision suivante, que les personnages d'un écrivain représentent ses tentations à un moment donné. Naturellement, les tentations changent, comme vous savez, avec l'âge. Ceci dit, il y a peut-être des personnages pour qui j'ai plus d'affection de cœur, si vous voulez. Ce ne sont pas toujours ceux qui me ressemblent le plus. Ce sont ceux auxquels je voudrais le plus ressembler. La nuance est sensible, n'est-ce pas? Monsieur Camus, en ce qui concerne l'avenir de l'humanité, vous vous considérez comme un optimiste ou un pessimiste? Ces mots n'ont pas grand sens pour moi parce que je ne pense pas qu'on puisse me demander d'être un optimiste au sens où on l'était. Par exemple, lorsque Ernest Renan écrivait L'avenir de la science, c'est-à-dire, je crois, en 1848, Renan pensait que le monde marchait vers des délices renouvelées par des actions sans cesse répétées. Eh bien, je crois que pas un d'entre vous, mesdames ni messieurs, n'est optimiste aujourd'hui dans cette salle, sur ce plan-là. Ceci dit, je ne crois pas que, parce que le monde semble, ou en tout cas risque, une déflagration générale et une destruction générale, cela puisse ôter de nos décisions d'agir ou de notre recherche de valeurs qui nous permettent de vivre plus librement et plus dignement. Et en ce sens, c'est peu de dire que je suis optimiste. Je suis un optimiste indéracinable. Monsieur Camus, il y a quelques temps, vous êtes retiré de l'UNESCO à cause de l'admission de l'Espagne. C'est exact. Vous êtes sur la culture en Espagne. Oui, j'ai trouvé contradictoire qu'une organisation basée sur la liberté de l'esprit accepte l'adhésion d'un pays qui censurait les productions et les publications de cette organisation elle-même sur son territoire. Mon goût de la logique a été choqué par ça, n'est-ce pas? Alors j'ai réagi de cette manière. Monsieur Camus, dans votre discours à l'honneur de Madariaga, vous avez exalté la liberté, vous avez parlé du parti de la liberté, les libéraux qui étaient votre parti. Quelle est votre position en général sur le point de vue, sur la politique? Eh bien, c'est la position d'un solitaire, n'est-ce pas? Je n'appartiens à aucun parti. Sauf exception, j'ai peu de rapports avec les milieux officiels et par conséquent je me borne à poursuivre une réflexion personnelle dont je sais d'avance toutes les limites. Ceci dit, après 20 ans d'une expérience où je crois n'avoir refusé aucun des drames de l'époque, j'en suis venu à cette idée que la liberté était le plus haut et le plus sûr des biens. Non pas parce que cette valeur suffisait à créer les sociétés, mais parce qu'elle permettait de les améliorer. Tandis que j'ai toujours pensé que la tyrannie ne le permettait pas. J'ai dit d'ailleurs, peu de temps avant de venir ici, dans la seule interview que j'ai donnée en France, j'ai dit qu'il arrivait qu'on soit obligé de combattre un mensonge total au nom d'un quart de vérité. Mais qu'en ce qui concernait l'Occident, ce quart de vérité s'appelait la liberté, et en conséquence, elle était la source d'une vérité plus grande que nous espérons tous, et en tout cas qui dépend de nous. Je ne sais pas comment on peut définir politiquement cette position, mais je la définirai dans ces termes, n'est-ce pas ? Une petite question, la religion. Ben, j'ai lu ce matin, on m'a traduit ce matin dans la presse suédoise, n'est-ce pas, que j'avais dit que je ne capitulerai pas de... je peux vous faire la réponse exacte que j'ai faite à votre confrère qui m'a demandé si j'allais me convertir. J'ai dit non. C'est tout. Mais comment expliquez-vous ça? Mais naturellement, étant un vieux journaliste, moi-même, je sais qu'il faut meubler, comme nous disons dans le métier. Comment expliquez-vous ce fait? C'est curieux qu'en France même, je crois, et en tout cas en Suède, on ait publié plusieurs articles en se basant sur je ne sais quelle atmosphère, on prétendait que vous étiez en train d'évoluer vers le catholicisme. Ouais. Vous ne pas comprendre l'affirmation, mais comment l'expliquez-vous? Je crois que ça s'explique très bien, en ce sens qu'on m'a longtemps confondu, un peu par ma faute d'ailleurs, avec tout un mouvement de pensée qui était athée et matérialiste. Or, il m'est arrivé d'écrire des choses qui correspondent à ma conviction profonde, à savoir qu'il y avait dans l'homme une part de mystère. Eh bien, dans la société d'aujourd'hui, ça suffit. Et ceci dit, je crois aussi qu'un de mes derniers livres, ayant parlé avec chaleur de la personne du Christ, je dis de la personne du Christ, n'est-ce pas, peut-être que... Mais je ne vois pas pourquoi je n'avouerais pas à la fois l'émotion et le sentiment extrêmement profond que je me sens devant l'histoire personnelle du Christ et devant son enseignement, n'est-ce pas? Et je crains malheureusement que dans certains milieux, en Europe en particulier, dans certains milieux qu'on dit de gauche, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, l'aveu d'une ignorance ou l'aveu d'une limite à la connaissance de l'homme, le respect du sacré, n'est-ce pas, paraissent comme des faiblesses. Si ce sont des faiblesses, je les assume avec force, n'est-ce pas? Vous avez dit, je crois qu'il faut juger une doctrine d'après ses sommets et non pas d'après ses sous-produits. Oui, je l'ai dit pour réagir contre une tendance au dénigrement, dont je trouve qu'il est trop facile de critiquer le christianisme en partant de la personne de faux chrétiens ou de pharisiens. Il me semble que si on doit aborder le problème, la doctrine chrétienne, il vaut mieux s'adresser à saint Augustin et à Pascal. Ne croyez-vous pas, monsieur, que les idées que vous attribuez, votre prétendu rapprochement avec les catholiques, ne seraient pas dues à votre interprétation du problème du mal? Ah, c'est très possible, mais vous savez, d'ailleurs, je dois dire que c'est la première fois que je vois donner une telle importance à ce problème. Il vaudrait mieux que je fasse une confession publique, comme dans certaines religions, et ça sera tout simple, n'est-ce pas? Je n'ai que vénération et respect devant la personne du Christ et devant son histoire. Je ne crois pas à sa résurrection. Ceci dit, on a longtemps pensé que j'étais aussi... par exemple, les philosophes communistes disent que je suis un philosophe réactionnaire. Les philosophes réactionnaires disent que je suis un philosophe communiste. Les athées me trouvent très chrétien. Les chrétiens déplorent mon athéisme, n'est-ce pas? Et ça va même plus loin, parce que certains secteurs me reprochent de signer trop de manifestes, et quelques autres me reprochent de n'en pas signer assez. Si bien que je suis un peu perdu au milieu de ces demandes contradictoires, et j'ai décidé de continuer à être ce que je pouvais être et comme je pouvais l'être, n'est-ce pas? Monsieur Camus, vous avez été une fois un membre du mondialisme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les États-Unis du monde aura une chance? Si nous arrivions, n'est-ce pas, à faire les États-Unis d'Europe, vous auriez devant vous un homme heureux. Mais Quant aux États-Unis du monde, je trouve que c'est une limite que nous pouvons nous fixer dans l'avenir et dans l'idéal. À franchement parler, cette limite me paraît utopique à l'heure actuelle. Je ne vois pas comment nous arriverions à concilier les points de vue de M. Khrouchtchev et de M. Eisenhower. Pour le moment, n'est-ce pas? Ça va s'arranger, sûrement. Mais... Dans la mesure où la chose est possible à un artiste et à vous-même, avez-vous conscience de vous rattacher à une certaine tradition littéraire française d'une part ou d'autre part, parmi les écrivains contemporains, y en a-t-il en France avec lesquels vous sentiez une fraternité d'âme? Je ne parle pas du point de vue artistique, je parle de l'attitude humaine. Oui. Je réponds à votre première question. J'ai le sentiment profond de me rattacher, avec naturellement mes limites, à la tradition classique française. Et la chose est si forte en moi que j'ai le sentiment, quand je sens, si vous voulez, mes racines, n'est-ce pas, de sauter deux siècles en arrière. C'est-à-dire que je me sens beaucoup plus près d'hommes comme, disons, La Bruyère et Pascal, toute proportion gardée, et je ne les nomme que pour situer une tradition, que, disons, de Lamartine ou de Victor Hugo, n'est-ce pas? Voilà. Quant à votre deuxième question, il m'est facile d'y répondre. Oui, il y a beaucoup d'hommes en France avec qui je me sens une fraternité profonde. Je citerai simplement deux noms. J'en aurais beaucoup à citer. Je citerai simplement deux noms car ils sont significatifs pour moi. L'un est d'une personne morte. Je veux parler de Simone Weil. Mais il arrive qu'on se sente aussi près d'un esprit disparu que d'un esprit vivant. L'autre est notre plus grand poète français, selon moi, je veux dire René Char, qui est pour moi non seulement un poète, un grand poète et un écrivain d'immense talent, mais qui est pour moi littéralement comme un frère. Malheureusement, la poésie ne se traduit pas, et je ne sais pas dans quelle mesure vous pourriez le faire, mais c'est une chose qui me paraît souhaitable, car cette œuvre est parmi les plus grandes, vraiment les plus grandes, que la littérature française ait produite. Depuis Apollinaire, en tout cas, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Char. Quant à l'homme, je ne pourrais en parler qu'avec une partialité que je ne veux pas montrer devant vous. En tout cas, il est au-dessus de tout éloge. Et quelles sont les relations maintenant avec votre ex-frère Jean-Paul Sartre? Ce sont d'excellentes relations, monsieur, puisque les meilleures relations sont celles où l'on ne se voit pas. Ceci dit, on a beaucoup exagéré en France d'ailleurs, et peut-être aussi à l'étranger, le différent qui nous a opposés, c'était un différent surtout idéologique qui nous a permis à l'un et à l'autre d'affirmer des positions qui sont naturellement, selon moi, également respectables, n'est-ce pas? Mais parfaitement opposées. Mais l'attitude, pour terminer cette question, envers Malraux, n'y a-t-il pas malgré tout, malgré l'immense génie de Malraux, une certaine affreuse, une certaine conquérante, même dans la fraternité humaine de Malraux, qui se distingue de votre attitude à vous? Pourriez-vous la faire vôtre, telle qu'elle est, telle que s'exprime dans la... Certainement pas, mais il n'y a pas d'intérêt à ce qu'une littérature s'uniformise. Malraux a traité des grands thèmes et qui ont été des thèmes vivants pour toute notre génération, et toujours vivants, avec son lyrisme intérieur et son goût d'une aventure spirituelle extrêmement élevée, extrêmement pathétique. Et personnellement, j'avoue que, bien que ça ne corresponde pas à ma nature, ce qui est évident, je n'ai qu'admiration et affection pour une œuvre comme celle-là. Et ceci dit... Je me permets de vous le rappeler, bien que ça n'ait rien à voir avec l'œuvre elle-même. L'homme, en tant qu'homme, je veux dire, a tout de même quelque chose d'assez admirable, n'est-ce pas? Il ne s'est pas borné à prêcher certaines valeurs, il a payé pour elles. Dans l'univers des livres, cette attitude mérite le coup de chapeau, n'est-ce pas? En tout cas, c'est le coup de chapeau que je suis heureux de lui donner publiquement devant vous. Après la mésaventure lucrative du Nobel, Camus choisit la retraite et la seule compagnie de ses amis, en particulier les républicains espagnols qui, eux, l'avaient toujours soutenu dans les moments difficiles. C'est ainsi que, le 22 janvier 1958, il accepte l'invitation de l'Association des Amitiés Méditerranéennes et des Organisations Espagnoles et qu'il se fend littéralement d'un discours magnifique où se trouve résumée la nécessaire difficulté d'être seul de son camp dans ces années de plomb, de garder à la fois la tête froide et le sens de la révolte, le goût de la solitude et l'amour du genre humain. Comme tous les esprits libres, Camus n'avait pas besoin de chapelle. Et c'est donc dans l'Espagne de l'exil que l'homme déchiré, l'écrivain français d'Algérie, comme il dit, retrouve tout naturellement sa patrie. Bien que j'ai décidé de faire maintenant une retraite, j'ai tenu en tout cas à accepter votre invitation. Vous savez pourquoi. D'abord, parce qu'il y a parmi vous des hommes de mon sang, à qui je n'ai jamais rien pu refuser. Ensuite, parce que je savais de quel cœur ces hommes m'accueilleraient. Et enfin, parce que ces hommes, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, sont ceux qui m'ont soutenu dans les moments découragés d'un métier souvent difficile. Oui, ce métier est difficile. Je voudrais vous en parler librement, et ce me sera facile. À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner, ni parti, ni église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire. Peut-être. Mais en même temps que des millions d'hommes qui sont mes frères et dont j'ai pris le pas. J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier, et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la assez affreuse société intellectuelle où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Si l'écrivain tient à lire et à écouter ce qui se dit ou ce qui s'écrit, il ne sait plus alors à quel saint se vouer. Une certaine droite lui reproche de signer trop de manifestes. La gauche, la nouvelle du moins, et moi je suis de l'ancienne. La gauche donc lui reprochera de n'en pas signer assez. La droite lui reproche d'être un humanitaire fumeux. La gauche lui reproche d'être un aristocrate. La droite l'accuse d'écrire trop mal et la gauche lui reproche d'écrire trop bien. Restez un artiste ou ayez honte de l'être, parlez ou taisez-vous et de toute manière, vous serez condamné. Que faire d'autre alors, sinon se fier à son étoile et continuer avec entêtement la marche aveugle hésitante, qui est celle de tout artiste et qui le justifie quand même, à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier et de son infirmité personnelle. Cela revient souvent à mécontenter tout le monde. Pourtant, bien que je sente cruellement la déchéance de cette société, je ne m'en sépare pas. Et je me comprends aussi dans l'accusation. Mais du moins, je refuse d'ajouter à ses faiblesses. Je ne suis pas de ces chrétiens qui courent mettre le feu à l'église pour la seule satisfaction d'avoir fait ce beau travail avant les matérialistes. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pense qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Bravo, bravo. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Mais si je vis dans ce pays et dans cette société, si je crois à la fois inévitable et juste de souffrir de son mal, ce n'est pas que je n'imagine pas une autre vie. Ce n'est pas que je me suffise de ce fantôme de liberté qui survit parmi nous entouré de maîtres de servitude. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Et l'ayant reconnu une fois, ayant jugé que ses biens sont au-dessus de tout, il m'a semblé qu'il devait être assuré à tous et qu'en attendant que leur règne arrive, il fallait lutter sans trêve pour témoigner en leur faveur dans la mesure de nos forces. Voilà l'idée que je me fais de mon métier. Je ne sais pas si j'ai donné trop ou pas assez de signatures, si je suis prince ou balayeur, mais je sais que j'ai essayé de respecter mon métier à défaut de pouvoir m'estimer moi-même naïvement. Et je sais aussi que j'ai essayé plus particulièrement de respecter les mots que j'écrivais, puisqu'à travers eux, je voulais respecter ceux qui pouvaient les lire et que je ne voulais pas tromper. Il a fallu le faire dans des luttes parfois épuisantes et dont, pour parler franchement, je porte encore les traces en moi. Ces luttes sont inévitables. Je les ai acceptées et je les accepterai. Mais je sais qu'elles risquent aussi de me dessécher, de me faire connaître des amertumes pour lesquelles je ne suis pas fait. Elles risquent en un mot de me rendre avare et de m'ôter cette grande force de joie et de vie sans laquelle un artiste n'est rien. Si j'ai échappé finalement à ce danger, et c'est là que je voulais en venir, c'est à certains d'entre vous que je le dois, même s'ils l'ignorent. Partant, je leur dois presque tout. Ces hommes sont de tous les partis et de toutes les patries. Ce sont mes amis de France qui savent que je ne puis pas parler d'eux publiquement. Ce sont mes amis d'Israël, de l'exemplaire Israël, qu'on veut détruire sous l'alibi commode de l'anticolonialisme, mais dont nous défendrons le droit de vivre, nous qui avons été témoins, nous qui avons été témoins du massacre de ces millions de Juifs et qui trouvons juste et bon que leurs fils créent la patrie que nous n'avons pas su leur donner. Ce sont mes amis d'Amérique du Sud et particulièrement de la Colombie libre, enfin libre, grâce à des hommes dont l'action inlassable a porté ses fruits. Mais vous me permettrez de symboliser tous ces amis ce soir dans l'Espagne de l'exil. Amis espagnols, nous sommes en effet du même sang et j'ai envers votre patrie, sa littérature et son peuple, sa tradition, une dette qui ne s'éteindra pas. Mais j'ai envers vous une autre dette que vous ne connaissez pas et ne pouvez pas connaître. Dans la vie d'un écrivain de combat, il faut des sources chaleureuses pour venir combattre l'assombrissement et le dessèchement qu'on trouve dans la lutte. Vous avez été, vous êtes une de ces sources, et j'ai toujours trouvé sur mon chemin votre amitié active et généreuse. L'Espagne de l'exil m'a souvent montré de la gratitude, mais cette gratitude est disproportionnée. Les exilés espagnols se sont battus pendant des années, et puis ils ont accepté fièrement la douleur interminable de l'exil. Moi, j'ai seulement écrit qu'ils avaient raison, et pour cela seulement, j'ai reçu depuis des années, et ce soir encore dans les regards que je rencontre, la fidèle, la loyale amitié espagnole qui m'a aidé à vivre. Cette amitié-là, bien qu'elle soit en partie méritée, est la fierté de ma vie. Elle est, à vrai dire, la seule récompense que je puisse désirer. Et je voudrais vous remercier, vous et beaucoup d'autres en même temps, d'avoir si longtemps nourri en moi une faim que les hommes n'avouent pas facilement et que je n'ai pas besoin de nommer ce soir. Bravo. Avant l'étrange séquence du prix Nobel, où Camus eut peut-être à tort le sentiment qu'on l'enterrait de son vivant, Camus publia « L'homme révolté ». On est en 1951, et à la veille de l'apparition de ce livre trop long, touffu, mais génial et magnifique, et qui lui vaudra l'ostracisme des Sartriens, le grand homme déjeunait avec un jeune homme de 25 ans. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Claude Briseville, écrivain, dramaturge, auteur notamment du Souper, et à qui Albert Camus, dont vous avez été l'ami, avait tout de suite, selon ses propres termes, reconnu un talent qu'aujourd'hui personne ne vous conteste. Mais c'était quasiment dès votre première rencontre, je crois que c'était chez Gallimard. Oui, c'était au mois de juin 51. Le 18 juin. Le 18 juin 51, parce que j'avais écrit une pièce qui était joué par une jeune compagnie à l'époque, une pièce sur Saint-Just. Et j'avais appris que Camus préparait, dans L'Homme révolté, un chapitre sur les régicides. Alors je l'avais fait inviter, et il est venu, avec Madame Dussane, et il a vu la pièce, et puis il m'a fait téléphoner par sa secrétaire le lendemain ou surlendemain pour me demander de passer le voir chez Gallimard. Je suis allé chez Gallimard et voilà, c'est comme ça. C'est bizarre d'ailleurs, vous parlez de Saint-Just. Dans L'Homme révolté, Camus fait quelque chose d'étrange, enfin plusieurs choses étranges, mais en particulier, il réhabilite d'une certaine manière Saint-Just tout en s'en prenant au régicide. Comment vous comprenez ça? J'ai plus en tête le passage où Camus parle de Saint-Just. Mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que Saint-Just est une personnalité à part tout de même. Ceci dit, on a repris Saint-Just dernièrement. Ils l'ont joué comme ça un petit peu partout en banlieue. Mais j'ai pas pu supporter la présentation. Pourquoi? Parce que ça m'a paru complètement dépassé. Une forme de théâtre très marquée par son époque. Justement, le théâtre de Camus et le théâtre de Sartre, qui était un théâtre d'idées, qui était un théâtre... Et vous aussi, vous vous inscriviez à l'époque dans cette tradition, oui, du théâtre d'idées? Exactement. Et vous savez, c'est étonnant de voir à quel point la production dramatique est un miroir de l'époque. Il est certain que ça ne vaut pas simplement pour cette époque-là, pour toutes les époques. Quand vous lisez les pièces de théâtre d'une époque, on va penser que c'est le reflet exact de l'époque. Et alors, à l'époque, donc on est en 51, oui. Vous écrivez Saint-Just, oui. Et vous rencontrez Camus qui a quelque chose de l'homme intraitable, de l'homme pur, que vous décrivez. C'est ça qui vous a donné envie de le rencontrer? Non, non, j'avais lu, bien entendu, L'Étranger, le mythe de Sisyphe, je l'admirais beaucoup. Et puis, surtout, des articles de combat. Et c'est pour ça que j'avais envie de le rencontrer. Mais ce qui m'a séduit tout de suite chez lui, c'est d'abord que c'était un être extrêmement séduisant et qui s'appliquait à plaire, quelquefois un peu trop d'ailleurs, mais il aimait plaire aussi bien d'ailleurs aux femmes qu'aux hommes. Enfin, il avait une cour d'hommes autour de lui, parce qu'on parle souvent des femmes de Camus. Oui, mais c'est ça qui est assez étonnant, parce que autour de lui, il avait des hommes... On ne peut vraiment pas soupçonner d'homosexualité, pas plus en Daniel que Bloch-Michel. Mais tous ces hommes, c'était très étrange. Il y a eu une sorte de rivalité dans l'amitié. Quand l'un de nous disait, bon, il m'a téléphoné, alors, ah, il vous a téléphoné, et, ah non, nous pas. C'était très drôle. C'est vrai qu'il avait quelque chose d'extrêmement séduisant. Il était séduisant bien qu'il essaye de plaire. Non, parce que, je veux dire qu'il essayait de plaire, on sentait qu'il aimait plaire, vous voyez. Mais, bien entendu... Et il vous avait reçu, pour l'anecdote, dans son bureau, donc chez Gallimard, rue Sébastien Botin. Oui, le bureau qui était au deuxième étage, avec une petite terrasse, à côté du bureau de Jacques Lemarchand, où il venait tous les après-midi. Tous les après-midi, oui. Parce qu'il avait un emploi du temps très structuré. Le matin, il travaillait pour lui, et puis il allait chez Gallimard, où il recevait tous les gens, mais Dieu sait si... S'il avait de nombreux visiteurs, et puis alors le soir, le dîner était réservé à l'amitié, au spectacle. Justement, vous parlez des dîners. Il y a un dîner, peut-être était-ce un déjeuner d'ailleurs, avec vous, qui est donc juste après cette rencontre, puisque on est juste avant l'apparition de L'Homme révolté, qui est aussi en 51. Et dans ce déjeuner ou ce dîner, au terme de ce déjeuner, il vous tend la main. Oui, c'était un déjeuner au Lutetia, je me souviens. Mais c'était pas en 52 que L'Homme révolté est paru. Il allait donc publier L'Homme révolté, et il savait très bien que sa position allait susciter beaucoup de réserves, et même plus, il le savait. Et il m'a dit en me quittant, oui, serrez-moi la main, parce que dans quelques temps, il n'y aura plus beaucoup de gens pour me tendre la leur. Donc, il prévoyait le coup. Et en effet. Et en même temps, ce qui est étonnant dans la biographie de Camus, quand on parcourt sa vie, c'est qu'on s'aperçoit qu'il a été surpris par la réaction des Sartriens et par la violence de leur diatribe. Oui, je crois qu'il a été surpris par cette... Mais je crois que, vous savez, un jour, je l'ai interrogé sur l'amitié, parce que Sartre parlait de l'amitié qu'il y avait eu entre eux. Il m'a dit, mais il n'y a jamais eu amitié. Il n'y a jamais eu d'amitié, je les amusais, je me souviens. De mon côté, un peu voyou algérien, ça les faisait rigoler. Mais ils ne m'ont jamais pris au sérieux. Et à partir du moment où on a dit Sartre et Camus, alors Sartre dit, mais quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a à peine une licence de lettres, et moi je suis agrégé de philo, et à ce moment-là, Sartre se référant à des valeurs parfaitement bourgeoises, à des universitaires, dit, non, alors c'est... On ne va pas nous mettre dans le même panier, quand même. On ne pas nous mettre sur le même plan. Exactement. Mais d'ailleurs, Camus lui-même ne se désignait pas comme philosophe. Non, absolument pas. C'était un moraliste. Il me dit, mais bien sûr que j'ai des idées, mais j'ai des idées qui sont dans les rues de mon temps. J'ai certaines idées, mais je n'ai pas de philosophie. Aucune philosophie, mais j'ai certaines idées, bien entendu. Mais en même temps, l'admiration que vous lui portiez, vous, quand vous l'avez rencontré, vous aviez donc lu Le Mythe de Sisyphe, vous aviez lu j'avais L'Étranger. J'avais lu Le Mythe de Sisyphe, j'avais lu L'Étranger, il y avait un volume d'Actuel qui existait déjà. D'ailleurs, j'avais rendu compte dans la Gazette des Lettres, et puis surtout tous les articles de Combat, parce qu'il faut avouer que Combat a sauvé l'honneur de la presse quand même, à une époque où les gens étaient enragés, d'un côté comme de l'autre. Cette volonté d'introduire la morale dans la politique, c'était tout de même, Combat est une aventure unique dans la presse française. D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps. En tout cas, sous la forme que Camus lui avait donnée. Et ensuite, donc, il vous a aidé à publier deux ouvrages, je crois, La présence réelle et L'un amour. Oui, il m'a demandé si j'avais quelque chose pour lui, enfin pour Gallimard. J'avais terminé un essai qui s'appelait La présence réelle, qui était une sorte de portrait d'un jeune écrivain. Un autoportrait ? Oui, beaucoup. Vous aviez 25 ans à l'époque. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et je lui donne, il me dit, oui, c'est bien, mais on ne peut pas publier ça tout seul, parce qu'on va en vendre 500 exemplaires. D'ailleurs, il ne s'est pas trompé, on a vendu 600. mais il me faudrait que vous me donniez un récit, un roman en même temps. Et je terminais un livre qui s'appelle « De l'amour ». Et je lui ai apporté. Et là, il m'a dit, oui, ça, alors je le prends tout de suite. On va publier deux en même temps. Seulement, j'avais un contrat chez Julliard. J'avais publié un mauvais petit livre chez Julliard quelques années auparavant, mais j'avais un contrat. Alors je suis allé trouver Julliard et je lui ai dit, Albert Camus me propose de publier ces deux livres chez lui. Je sais que je vous les dois, mais ça m'ennuierait quand même de lui refuser. Mais il dit, il n'y a pas question que vous lui refusiez, bien entendu. Donnez-lui les livres. C'est un grand seigneur, Julliard. Et j'ai donc... Les deux livres ont été publiés en 1954 chez Gallimard. Donc, il y a eu 3 ans entre la première rencontre et la publication des deux livres en un volume. C'est ça, ouais. Est-ce que pendant ce temps-là, Camus, avec vous, indépendamment de l'amitié qui vous unissait, a fait auprès de vous le travail d'un éditeur? C'est-à-dire de relecture, de travail? Non, il vous a laissé libre du manuscrit? Il n'a pas retouché le manuscrit? Non, pas du tout. Je lui ai apporté... Il a changé un mot. Je parle de cachet contre l'insomnie, il m'a dit non, il faut pas, c'est pas un joli mot, il faut mettre pilule, comprimé, comprimé ou pilule, je sais pas. Il a changé un mot, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas du tout, non, j'ai travaillé tout à fait indépendamment de lui. Enfin, il a lu les deux manuscrits avec beaucoup d'attention, mais ils étaient prêts à ce moment-là. C'est ça, quand vous les lui avez donné, voilà. Déjà. Et c'est étrange quand on recueille les témoignages sur Camus, parce que certains disent que Camus était sinistre, d'autres disent qu'il était joyeux et que c'était un guéluron. C'est-à-dire que c'était un... Moi, j'ai dans mon souvenir, quelqu'un de très drôle, de très amusant. On riait beaucoup avec lui. Mais c'est vrai que de temps en temps... Quand quelque chose lui déplaisait, il y avait une sorte d'ombre froide qui tombait sur lui. Il se retirait en lui-même et c'était assez saisissant d'ailleurs. Vous voyez, il passait comme ça du soleil à l'ombre. Mais jamais l'ombre n'était provoquée par ses amis. Mais quand on lui citait un nom ou quelque chose qui lui déplaisait, immédiatement il se fermait terriblement. Comme s'il portait en lui des zones obscures qu'il suffisait d'évoquer pour les réveiller. Vous savez, il était scorpion, hein. Il était né le 7 novembre, oui. Ouais, les scorpions. Et les scorpions sont très marqués à la fois par un certain amour de la vie et par la mort. Ouais. Et Camus, Charrier, en même temps, portait à bout de bras ces deux éléments. Mais, si vous voulez, c'était, ceci dit, la plupart du temps, c'était une fête. Un dîner avec Camus, on se voyait à peu près tous les mois. Mais c'était merveilleux. Il dansait, non? Il dansait très bien. Il était bien dans sa peau, vous voyez. Il était beau garçon. Il paraît qu'il regrettait de n'avoir pas les épaules plus larges. Et c'est pour ça que dans la chute, il donne à Clamence une carrure de joueur de rugby. Oui, mais il avait des regrets comme ça que j'ai appris d'ailleurs. Parce que il regrettait également de ne pas être noble. C'est curieux. C'est son... De descendance noble. C'est Jean Grenier qui me l'avait dit. Il aurait voulu être aristocrate. Jean Grenier qui était le professeur de philosophie de Camus. Ça, je ne le savais pas. Il aurait voulu être aristocrate. Oui, il aurait voulu avoir une ascendance, des antécédents, comme dit Gérard de Nerval, des antécédents dans l'histoire de France. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à enseigner que la noblesse était celle du mérite. Oui, mais bien entendu. Et qui s'est conduit en noble, au sens noble. Hein. Donc, vous-même, vous contestez la version du penseur morose. Ah non, il n'était pas du tout morose. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il avait dans son écriture quelque chose d'un peu glacé, un petit peu cérémonieux, un petit peu gourmé, même, on pouvait le dire, n'est-ce pas? Mais l'homme ne m'a jamais donné cette impression-là. Jamais. Il racontait des blagues tout le temps. Il essayait même, je me souviens, avant la publication de La Chute, il avait essayé des phrases que j'ai retrouvées après dans La Chute. Alors, j'ai envie quelquefois d'aller sur les chantiers et de crier sale pauvre, des choses comme ça. Ah oui, parce que dans La Chute, il y a un passage comme ça où, voilà, effectivement, Clamence dit il veut gifler les nourrissons dans le métro. Exactement. Il nous le disait. Mais il nous disait, bien entendu, sur le plan de la plaisanterie. Et après, j'ai retrouvé certaines de ces phrases que j'avais entendues dire comme ça au cours d'une de nos réunions. je les ai retrouvés dans la chute. Et comment vous comprenez cette différence de style invraisemblable entre L'étranger que vous aviez lu donc avant de connaître oui. Camus et La chute, L'étranger qui est tourné vers le monde et vers l'amour et en même temps qui est le roman d'un homme en apparence oui. indifférent, alors que La chute c'est le monologue ou le soliloque d'un type jovial qui en même temps est désespéré et se replie sur lui-même et est un monstre d'égoïsme. Oui, j'ai retrouvé la voix de Camus dans La chute. Oui. Je ne l'ai pas retrouvé dans L'étranger. D'ailleurs, je ne le connaissais pas, je ne pouvais pas retrouver sa voix. Mais dans La chute, c'est frappant. On avait l'impression que c'était lui qui parlait. Pour moi, c'est son meilleur livre, le plus mystérieux. D'ailleurs, il l'a beaucoup travaillé. Il y a 7 versions de La chute. J'ai beaucoup travaillé ce livre-là. Et pour moi, c'est son maître livre. Je n'ai pas lu le premier homme. Pourtant, est-ce à vous que Camus avait dit un jour que le premier homme serait son meilleur oui. livre ou son premier livre ? Son premier livre, mon premier roman. Son premier roman ? Il avait dit jusqu'à présent, j'ai fait mes gammes, j'ai appris à écrire, mais ce sera, je considère que le premier homme comme mon premier roman, c'est-à-dire la première fois que je parlerai des femmes, avait-il dit, qui ont tenu beaucoup d'importance dans ma vie, à commencer par ma mère. Et là, je vais parler des femmes, ce que je n'ai encore jamais fait. Mais pourtant, dans L'étranger, il parle déjà des femmes. C'est étrange, non, cette phrase. Marie Cardona, dans L'étranger, elle est sensuelle. On sent son ventre oui, enfin, qui bat. Disons que ce n'est pas un personnage... c'est un peu épisodique, quand même, vous voyez. Je crois que là, il voulait vraiment leur faire la part belle. Et comme elle avait en effet tenu une grande place dans sa vie, il voulait en parler. Vous savez que dans les annexes du premier homme, donc, que vous n'avez pas lu, non. que vous vous refusez à lire... Je ne l'ai pas lu pour une raison... Tout le monde m'a dit que c'était un très beau livre. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué, vous voyez, c'est la publication du premier homme. Je comprends très bien qu'on tienne le premier homme à disposition des gens qui voulaient travailler sur Camus. Mais quand je pense... Au travail que lui demandait chacun de ses livres, au nombre de versions successives, à son horreur qu'il avait quand on regarde ses brouillons, ça m'a choqué. Oui, parce qu'il faut dire que le premier homme donc, a été publié il y a un peu plus de 10 ans, maintenant en 94, oui. par l'entremise de la fille d'Albert Camus, oui. donc Catherine Camus. Par l'entremise de la fille de Camus. Elle a peut-être bien fait, je n'ai pas question de juger. Mais moi, personnellement, en lisant le premier homme, j'ai eu un peu l'impression de lire par-dessus son épaule un brouillon qu'il était en train d'écrire. Vous voyez, c'est ça qui m'a retenu, parce que je savais qu'il voulait toujours aller au bout. C'était un perfectionniste, il travaillait beaucoup. Ça ne lui venait pas facilement, l'écriture. C'était pas comme Giraudoux, des gens qui se mettaient à leur table. Ou même Sartre, qui était un graphomane dément. Sartre, il fuyait dans les mots. Quoi, j'en sais rien, mais enfin, c'est une fuite éperdue. Non, c'était pas... Camus n'avait aucune facilité. D'ailleurs, ça se sent. Son écriture est quand même très tenue, peut-être un peu trop même. Il m'a dit un jour, j'élève mes défenses un peu trop haut. Il sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait une sorte de conquête du naturel qu'il n'avait pas encore achevé. Vous voyez ? Et je crois que dans le premier homme, d'après ce que j'ai compris, d'après cette première version, il était au bord du naturel, au bord de la spontanéité, vous voyez ? Mais je ne sais pas, ça m'a toujours... j'ai jamais pu le lire, voilà. Ce qui est étonnant dans le premier homme, c'est qu'il y a des pages lyriques, touchantes, oui. bouleversantes, dont on peut se dire, dont on peut imaginer, mais c'est vrai qu'on est par-dessus l'épaule de Camus, mais on peut se dire que peut-être il les aurait justement retaillées pour élever les défenses encore plus haut. Enfin, on n'en sait rien. Mais dans les annexes du premier homme, il y a un moment, comme une série d'aphorismes, comme il adorait les aphorismes, et il y en a un qui dit « Un roman doit toujours être inachevé ». Ah oui. C'est un drôle d'effet quand on parcourt ça. Il est certain que la version définitive du premier homme était quand même très différente de ce premier brouillon. Et je suis persuadé que ça aurait été un chef-d'œuvre, que ça aurait été un grand livre, un très grand livre. Il disait « Mon œuvre est devant moi ». Mais oui. Vous savez, Il est mort, il avait 40... 47. Oui, 47 ans. Ouais. Il avait eu le prix Nobel, qu'il avait d'ailleurs complètement paralysé, et c'était un coup. Donc c'était un enterrement de première classe. Ah, exactement. D'abord, il a eu un sentiment très noble, pour le coup. Il dit non, mais c'est pas moi qu'on aurait dû donner le Nobel, c'est à Malraux. Je viens après. Et Malraux lui aurait dit à ce moment-là, cette réponse nous honore tous les deux. Oui, c'est vrai. Et il attendait d'ailleurs, parce que Malraux ne l'a pas félicité tout de suite. Il y a eu, peut-être quelques jours. Il attendait la lettre de Malraux avec une sorte d'appréhension, de qu'il ne veut pas être fâché, qu'on m'ait donné... Non, c'est pas du tout fâché, bien entendu. Mais il est certain que ce Nobel l'a paralysé. De recevoir le Nobel... il y en avait un tout de même qui avait eu le Nobel plus jeune que Camus, c'était Kipling, de quelques mois. Enfin, c'est quand même impressionnant. Hein. Dans son discours de Stockholm, souvenez-vous, quand il a eu le Nobel, il dit « Vous avez récompensé un Français d'Algérie ». Oui. Ce qui est une phrase, bon, ce qui est incontestable, mais qui est une phrase qui... Il a commencé son discours par la déchirure qu'il portait toute sa vie. Oui. Cette idée d'homme déchiré, d'homme séparé entre lui et lui-même, amoureux du soleil et obligé de voir que tout ça s'achève et pénétré du sentiment de la mort, on le retrouvait dans son humeur. Oui, de temps en temps. Mais il ne théorisait jamais, vous voyez, il s'est expliqué à fond là-dessus. Mais de temps en temps, on sentait que c'était un méridional. Ça, on le sentait tout le temps. C'est-à-dire le soleil et la mort. Voilà, c'est ça. Et dans son entourage, est-ce que vous avez rencontré René Char? Ben, j'ai rencontré, c'était d'ailleurs... Son meilleur ami? René Char, à ce moment-là, avait un petit studio, juste au-dessus du studio de Camus, rue Saint-Alaï. Et il me disait, Camus, il faut absolument que vous rencontrez Char, on va arranger quelque chose. Mais Char ne venait à Paris qu'épisodiquement. Et donc, je n'ai pas rencontré Char. Les années ont passé, et en 76 ou 17, j'ai écrit un livre qui s'appelle La zone d'ombre, que j'ai envoyé à Char. Et j'ai reçu la plus belle lettre qu'un écrivain peut espérer recevoir. Char m'a écrit une lettre très belle à propos de ce livre, et je suis allé le voir à ce moment-là. Et en quelques années, nous avons rattrapé tout le retard, si vous voulez. Je suis allé plusieurs fois au Buscla. Quand il venait à Paris, on s'est vu également. Donc à l'Île-sur-Sorgue, vous êtes allé là-bas? Oui, oui. Route de Somane, dans cette petite ferme. Ce qui était étonnant, d'ailleurs, quand on entrait chez... C'était très modeste. Quand on entrait dans cette... une ferme. Et alors, il y avait une pièce blanchie à la chaux. Et au mur, tous les plus grands peintres de notre époque. Des tableaux originaux, oui, de tous les plus grands peintres. Des tableaux originaux, que lui avait donné, il y avait un Beltus, il y avait un trésor. Et il ne ferme même pas sa porte à clé. Tout était là, il suffit. Donc, on entrait, on sortait. Et en rencontrant René Char, est-ce que vous avez pu reconstruire, mais presque à la façon d'un écrivain, d'une certaine façon, parce qu'on peut interpréter les choses rétroactivement, est-ce que ce que vous avez vu ou connu de René Char vous a permis de reconstruire l'amitié qui avait pu être la leur, ou d'en comprendre éventuellement quelques éléments? Non, ce qui était incontestable, c'est que ces deux hommes étaient faits pour s'aimer et pour s'apprécier. Pourquoi? C'est incontestable. C'est la Méditerranée? C'est le soleil? Non, une hauteur de vue, un sens de la... noblesse, encore une fois, il faut bien le dire. Ils étaient faits pour s'apprécier et pour s'aimer. Ça, c'était incontestable. Et je crois que la plus grande admiration de Camus, c'était Char. Vous savez, tout de même, Char avait eu un rôle héroïque pendant la Résistance. Et dès que la guerre était finie, il a été appelé à Paris par Malraux. Il n'a pas voulu y aller. Être du bon, mais non du festin qui le suit. Il l'a écrit lui-même. Il a fait ce qu'il avait à faire pendant la résistance. D'ailleurs, il était blessé gravement, puisqu'il était tombé à travers le toit d'une église, il était tombé sur le dos. Et il en avait gardé des douleurs épouvantables. Il a beaucoup souffert de cette chute. Bon. Mais il n'a voulu en tirer aucun bénéfice, aucun profit. Mais c'est étrange, cette vie qui oscille entre une amitié manquée avec son alter ego, celui qu'on a présenté comme son alter ego qui était Sartre, oui, et une amitié réussie, oui, solaire et méditerranéenne, avec un homme qui lui ressemblait assez peu, d'abord physiquement, parce que il était massif, il était très volumineux. Char était René Char. Oui, très grand, très fort. Donc entre Sartre et Char, c'est-à-dire entre l'obscurité et le soleil, jour et la nuit. Hein. C'était la nuit et le jour. Oui. La nuit et le jour, oui, absolument. Mais encore une fois, c'est confiant parce que ce que Camus m'a dit, il n'y a jamais eu d'amitié entre Sartre et moi. Il y a une camaraderie, c'est vrai. Une camaraderie. Il a dîné avec Simone de Beauvoir en tête à tête un soir. Ah bon? Ah oui, oui, oui, oui. Ça, oui. Vous me l'apprenez. C'est Lotman qui raconte qu'ils ont dîné un soir ensemble en tête à tête et la soirée s'est terminée dans une chambre d'hôtel jusqu'à 3h du matin. Il ne s'est rien passé, du moins le disent-ils l'un et l'autre. Oui. Mais manifestement, Simone de Beauvoir aimait beaucoup Camus, puisqu'elle a été très affectée quand il est mort, et elle avait des moments d'intimité avec lui. Enfin. Vous savez, je ne crois pas. Enfin bon, je ne crois pas. C'est vous qui savez. Je ne crois pas. Je crois qu'elle aurait certainement aimé être très proche de Camus, mais je crois que lui, il n'en parlait jamais, ou quelques petites comme ça, remarques en plaisantant. Enfin, c'était pas. Je crois qu'elle a été, d'ailleurs dans le roman de Simone de Beauvoir, dans ses mandarins, elle se donne une liaison avec Camus dans ce livre-là. Et quelque chose qui, je ne sais pas si vous avez lu le numéro, je crois, le numéro du magazine littéraire consacré à Camus. Et il y a une remarque de Michel Conta, vous savez, qui est un dévot de la Chartrerie, oui, c'est ça. Conta, parce que lorsque Camus est mort, quelques jours après, il y a un article de Sartre qui est apparu dans le Nouvel Observateur, un article bref mais extrêmement émouvant, qui commence par « On sait que nous étions fâchés, mais être fâché, c'est encore une façon d'être ensemble. » Et même les gens qui n'avaient pas une sympathie particulière pour Sartre ont été touchés par cet article. Je me souviens que Daniel était très touché. Bon. Sartre avait fait la même chose avec Merleau-Ponty, d'ailleurs. Voilà. Un très bel article. Et Conta raconte, là, qu'il a parlé de cet article à Sartre. Il lui a dit, mais qu'a été le point de départ de cet article? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire? Et Sartre lui a répondu, j'ai vu la page à faire. Ce qui vous glace le sang dans les veines. J'ai vu la page à faire. Il faut revenir quelques instants sur la querelle qui oppose Sartre et Camus. Car le communisme d'après-guerre n'a pas seulement fait mourir les ennemis du peuple, il a aussi séparé les amis. En 1951, Camus fait paraître L'homme révolté. Un beau livre, un peu trop long, qui a le tort mais le génie, de montrer, à l'époque où l'idéal s'incarne dans l'horreur, que la radicalité révolutionnaire est aux antipodes de l'exigence sociale. La révolution, dit-il, est devenue l'alibi de nouveaux tyrans. Il faut préserver la révolte du conservatisme révolutionnaire qui, parce qu'il veut abolir les injustices, en produit de nouvelles et de pires encore. Un tel discours n'était pas audible par le Sartre des années 50, le compagnon de route du parti, qui faisait interdire ses propres pièces et parlait de réalisme socialiste à des étudiants venus chercher auprès de lui un peu de liberté. C'est Francis Janson qui ouvrit les hostilités, reprochant à Camus sa grande voix planante au-dessus des factions, son ton de solitaire, son arrogance et sa superbe, dans la recension qu'il fit de l'homme révolté dans les temps modernes. Camus, qui avait la candeur des gens loyaux, fut amèrement déçu par la faiblesse d'une telle attaque, et il se fendit littéralement d'une lettre au directeur des temps modernes, dans laquelle il écrit qu'on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche, et moins encore selon ce que la droite ou la gauche décide d'en faire. À ce compte, dit Camus, Descartes serait stalinien, et Peggy bénirait M. Pinet. Si enfin, dit-il, la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Comme tous ceux qui, parce qu'ils doutent en secret de ce qu'ils affirment haut et fort, tiennent la contradiction pour une offense, Sartre répondit sur le terrain personnel, dans une lettre méchante, qui disait ceci. « Mon cher Camus, notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Si vous la rompez aujourd'hui, c'est sans doute qu'elle devait se rompre. Beaucoup de choses nous rapprochaient, peu nous séparaient, mais ce peu était encore trop. L'amitié, elle aussi, tend à devenir totalitaire. Il faut l'accord en tout, où la brouille et les sans-partis eux-mêmes se comportent en militants de partis imaginaires. Un mélange de suffisance sombre et de vulnérabilité a toujours découragé de vous dire des vérités entières. Le résultat, c'est que vous êtes devenu la proie d'une morne démesure qui masque vos difficultés intérieures et que vous nommez, je crois, « mesure méditerranéenne ». Tôt ou tard, quelqu'un vous l'eût dit, autant que ce soit moi. Mais à la mort de Camus, Sartre, voyant donc la page à faire, écrivit un article dans France Observateur qui rachète, aux yeux de nombreux camusiens, mais pas de Jean-Claude Briseville, les outrances et l'indignité des coups qu'il avait donnés à son dernier bon ami. L'article disait ceci. Il y a 6 mois, hier encore, on se demandait que va-t-il faire. Provisoirement déchiré par des contradictions qu'il faut respecter, il avait choisi le silence. Mais il était de ces hommes rares qu'on peut bien attendre parce qu'ils choisissent lentement et restent fidèles à leur choix. Un jour, il parlerait. Nous n'aurions pas même osé risquer une conjecture sur ce qu'il dirait, mais nous pensions qu'il changeait avec le monde comme chacun de nous. Cela suffisait pour que sa présence demeurât vivante. Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien, dût-on ne jamais se revoir, tout juste une autre manière de vivre ensemble sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, de sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait, et de me dire « Qu'en dit-il ? Qu'en dit-il en ce moment ?» Son silence que, selon les événements et mon humeur, je jugeais parfois trop prudent et parfois douloureux, c'était une qualité de chaque journée, comme la chaleur ou la lumière, mais humaine. On vivait avec ou contre sa pensée, telle que nous la révélaient ses livres, la chute surtout, le plus beau peut-être et le moins compris, mais toujours à travers elle. C'était une aventure singulière de notre culture, un mouvement dont on essayait de deviner les phases et le terme final. Il représentait en ce siècle, et contre l'histoire, l'héritier actuel de cette longue lignée de moralistes dont les œuvres constituent peut-être ce qu'il y a de plus original dans les lettres françaises. Son humanisme têtu, étroit et pur, austère et sensuel, livrait un combat douteux contre les événements massifs et difformes de ce temps. Mais inversement, par l'opiniâtreté de ses refus, il réaffirmait au cœur de notre époque, contre les machiavéliens, contre le veau d'or du réalisme, l'existence du fait moral. L'accident qui a tué Camus, je l'appelle scandale, parce qu'il fait paraître au cœur du monde humain l'absurdité de nos exigences les plus profondes. Camus, à 20 ans, brusquement frappé d'un mal qui bouleversait sa vie, a découvert l'absurde, imbécile négation de l'homme. Il s'y est fait. Il a pensé son insupportable condition, il s'est tiré d'affaire, et l'on croirait pourtant que ses premières œuvres seules disent la vérité de sa vie, puisque ce malade guéri est écrasé par une mort imprévisible et venue d'ailleurs. L'absurde, ce serait cette question que nul ne lui pose plus, qu'il ne pose plus à personne, ce silence qui n'est même plus un silence, qui n'est absolument plus rien. Je ne le crois pas. Dès qu'il se manifeste, l'inhumain devient partie de l'humain. Toute vie arrêtée, même celle d'un homme si jeune, c'est à la fois un disque qu'on casse et une vie complète. Pour tous ceux qui l'ont aimé, il y a dans cette mort une absurdité insupportable, mais il faudra apprendre à voir cette œuvre mutilée comme une œuvre totale. Dans la mesure même où l'humanisme de Camus contient une attitude humaine envers la mort qui devait le surprendre, dans la mesure où sa recherche orgueilleuse du bonheur impliquait et réclamait la nécessité inhumaine de mourir, nous reconnaîtrons dans cette œuvre et dans la vie qui n'en est pas séparable la tentative pure et victorieuse d'un homme pour reconquérir chaque instant de son existence sur sa mort future. France Observateur, 7 janvier 1960. reprenons maintenant le fil de cette conversation, le fil de ses souvenirs avec Jean-Claude Briseville et sous le pépiment des oiseaux. Harcelé par les événements, il fallait qu'il prenne position, avec une femme très malade, tu as obligé de s'occuper, qui était bon. D'autres femmes qui étaient assidues. D'autres femmes également qui... parce que l'amour peut prendre du temps aussi, et de l'énergie. Je ne sais pas comment il est arrivé quand même à écrire deux volumes de la Pléiade, dans ces conditions-là, une vie courte et une vie de travail. Donc il était à combat, et il travaillait beaucoup, beaucoup, à son journal. Mais c'est terrible, vous voyez, c'est une mort tellement prématurée. Je suis persuadé, s'il avait pu vivre ne serait-ce que 20 ans de plus, on pouvait attendre de grandes choses, de très grandes choses de lui. Comme ça. Pas eu le temps du détachement ? Oui. C'était vraiment une grande perte, non seulement sur le plan amical, bien entendu, mais sur le plan littéraire, tout simplement. Après, l'homme révolté, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pu, je ne sais pas, il ne serait pas resté inactif. Et puis cette maison, en même temps, c'est tellement absurde, cette maison qu'il avait... Achetée juste avant. À Lourmarin. À Lourmarin, il m'avait dit, ce serait une retraite pour le travail et l'amitié. Maintenant, tous mes amis qui veulent travailler, il y aura la clé au bistrot du village, et ils viendront, ils s'installeront et ils seront tranquilles. Et il avait commencé à organiser sa vie, lui. Ça commençait à aller mieux dans sa vie. Sa femme était un peu calmée. La tuberculose avait finalement disparu. La tuberculose était vaincue. Il avait pris ses distances avec Gallimard, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que jusqu'au prix Nobel, prix Nobel compris, il continuait à se farcir ses 5 manuscrits par semaine chez Gallimard. C'est là où il m'avait demandé d'ailleurs de... De l'aider un peu. Oui, c'est-à-dire de lire des manuscrits. Je n'allais pas au comité de lecture de Gallimard, mais je le voyais une heure avant. Et je lui disais, tenez, celui-là, il faut quand même que je fasse un coup d'œil des autres, c'est pas la peine. Mais jusque-là, il était lecteur chez Gallimard. Prix Nobel, lecteur chez Gallimard, et avec les 5... manuscrits par semaine et la réunion du mardi où il fallait faire rendre compte des manuscrits. C'était quand même un peu fort. Hein. Enfin, je veux dire qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé. Beaucoup. Comment vous expliquez ça, que cet homme qui a un objet de pensée, il a saisi quelque chose, il a compris quelque chose, que ce soit l'absurde, le suicide, le meurtre, il a quand même pensé des objets massifs. Que cet homme qui soit si pénétré de ce qu'il écrit quand il l'écrit et ça donne de si beaux livres, continue de se laisser accaparer par le reste. Comment expliquer qu'il attende d'avoir 46 ans pour s'acheter la maison qu'il peut s'offrir dès avant Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'est le Nobel qui lui avait permis d'acheter Lourmarin. Oui, mais bien entendu. C'est avec l'argent du Nobel. Vous savez que l'argent du Nobel, il a consacré une part à l'achat de Lourmarin et le reste, il l'a donné au... Une femme qui avait perdu le mari à Budapest. Hongrie, oui. C'était le... Il l'a donné. Il n'avait pas l'argent. Et chez Gallimard, bien sûr, il ne couvrait pas d'or. Hein. C'est un lecteur. Et bon, on l'aidait. Enfin, il n'aurait pas été capable de s'acheter une propriété avant. Mais pourtant, il avait des tirages importants. Hein. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que les tirages n'ont pas baissé. Alors, si vous prenez un écrivain comme Gide, par exemple, bon, qui lit encore les nourritures terrestres. Nourritures terrestres. Qui pourtant étaient importantes dans la vie de Camus. Oui, c'est ça qui est étonnant, parce que vraiment, quand vous lisez les nourritures terrestres, les plus grandes joies de mes sens ont été les soifs apaisées. C'est écrit avec le châle sur les épaules. Et le petit doigt en l'air. Il y en a un qui parle très bien de Gide, c'est Berle, oui. Qui était un grand ami d'ailleurs. J'aurais pu connaître Berle, c'est ça qui me désespère. Parce que Camus m'avait dit, il faut que je vous emmène chez Berle, vous verrez, c'est un monsieur charmant et gentil. On avait le temps. Il dit, pas non, pour aujourd'hui, la semaine prochaine peut-être. J'aurais pu quand même parler. Moi, j'aime beaucoup Berlin. J'ai une grande sympathie intellectuelle pour Berlin. Vous connaissez ce livre de Berle, Présence des morts? Oh, c'est magnifique. C'est son plus beau livre. Présence des morts, c'est magnifique. Mais c'est un esprit ouvert, intelligent. Il ressemble un peu à Voltaire, vous savez, physiquement. Et moi, j'aime beaucoup les livres de Berle. Et puis, alors, il y a une sorte de vivacité dans l'écriture. Il est sans apprêt. Et Camus l'aimait beaucoup. Et il aimait beaucoup Camus aussi. On peut parler de La Chute? Vous avez découvert La Chute quand elle est parue? Oui. Tout de suite, il me l'a donné, oui. Ma dédicace en exemplaire, il me l'a donné, oui. Et je veux dire que j'ai été éberlué. J'ai senti que c'était son maître livre, enfin jusqu'alors, il y aurait eu le premier homme après, mais un livre mystérieux, un livre qui m'a beaucoup troublé, vous voyez. Parce que c'était Sartre et c'était le contraire de Sartre en même temps, ce livre-là. Dans une note que Camus écrit dans un de ses carnets, à un moment il dit « existentialisme, ; quand il s'accuse, on peut être certain que c'est pour accabler les autres ». Des juges pénitents. Oui, les juges dit-il pénitents. En parlant des existentialistes. Oui, oui. Or, c'est le métier de Jean-Baptiste Clamence dans La Chute. Ça veut dire qu'en fait, La Chute est un roman contre Sartre. Oui, il semble. Mais pourtant, c'est un roman où il parle de lui, puisque vous retrouvez sa voix. Parle beaucoup de lui. Mais j'ai l'impression que c'est un livre où il s'est mis tout entier et le contraire de lui-même en même temps. Vous voyez, c'est ça qui est troublant. Parce qu'on entend sa voix, d'ailleurs Clamence, c'est révélateur, l'homme qui parle dans le désert, on entend sa voix. Vox Clamence in deserto. Voilà. Et en même temps, on dit, mais c'est pas lui tout de même, parce qu'il n'est pas particulièrement sympathique, ce personnage. Il ne fait sa confession que pour se mettre en position de pouvoir juger les autres. Oui. Or, c'était pas tellement ce que faisait Camus. Camus n'était pas un jugeur, non ? Non, pas du tout. C'est ça qui est étrange. Or, c'était plutôt Sartre qui était un jugeur, lui, qui excommuniait... Oui, bien sûr. Sartre et Breton, ce sont les deux grands excommunicateurs de notre époque, c'est vrai. Mais il y avait une chose qui les séparait aussi, c'est qu'il y avait chez Sartre, il m'a toujours semblé une méchanceté, une agressivité envers l'adversaire que je n'ai jamais senti chez Camus. Jamais. Vous n'avez jamais senti de méchanceté ou de rancœur chez Camus, de ressentiment Non, parce que je me souviens, au moment justement de leur fameuse querelle avec la parution des articles, réponse, tout ça. L'article de Janson dans les temps modernes, réponse de Camus, etc. Et il me disait, mais un jour je me souviens, il me dit, mais après tout, c'est peut-être lui qui a raison. Ça je ne crois pas que Sartre n'aurait jamais dit ça, vous voyez. Après tout, je ne sais plus. Peut-être que c'est lui qui a raison. Ça, j'ai trouvé que c'était inattendu et que ça... Il mettait beaucoup de lui-même dans ce doute. Vous voyez, t'es jamais sûr d'avoir entièrement raison. D'ailleurs, avec Mauriac, c'était la même chose. Mais avec Mauriac, c'est même mieux que ça, puisqu'il a reconnu que Mauriac avait raison. Il l'a reconnu. Il faut rappeler les termes de la polémique. Oui, il l'a reconnu. C'est au moment de l'épuration. Il l'a reconnu. Au moment de l'épuration, Mauriac professe la charité. Bien sûr. Camus est intraitable. Et puis oui, Camus, hostile à la peine de mort, finit par... Et après, il dit, vous aviez raison. Donc, il pouvait revenir, vous voyez. Et même avec Sartre, il ne l'a pas écrit, mais il me l'a dit. Donc, c'était un homme qui doutait de lui-même, qui revisait ses jugements. On pourrait dire... C'était pas le cas de Sartre. C'était pas le cas de Sartre. Et non, regardez, au moment par exemple de la... Quand Brasillach a été condamné à mort, il y a eu une liste qui a circulé tout de suite, un certain nombre de personnes qui ont demandé qu'il ne soit pas exécuté, mais Camus tout de suite a envoyé sa signature, tout de suite, en disant qu'il méprisait profondément l'attitude de Mauriac, mais qu'il se... De Brasillach. De Brasillach, mais qu'il ne se donnait pas du tout le droit de demander sa mort. On retrouve ça sur la position algérienne de Camus. Oui, c'est vrai. Le fait de contester les crimes de l'oppresseur ne justifie pas les exactions du FLN. Mais bien sûr. Est-ce que finalement Camus n'avait pas... s'il fallait qualifier Camus peut-être d'un mot, ce serait le courage, non? Le courage de revenir même sur ce qu'il a pensé lui-même. Et c'est un courage rare chez les écrivains, vous savez. De reconnaître qu'ils sont trompés ou que peut-être l'autre avait raison ou que... qu'ils se demandent si vraiment ils ont dit ce qu'il fallait. Ça, c'est du courage, un courage intellectuel. Et qu'il avait ce courage. C'est peut-être en cela qu'il n'était pas philosophe. Peut-être, oui. Il n'avait pas d'esprit système. Un philosophe, il est un peu enfermé dans son système. Une fois que le système est là... Ça dépend desquels, mais oui. Oui, bien sûr. Mais lui, non. Il était séduisant. Oui. Il jouait de sa séduction, il charmait. C'est vrai. Et vous racontez, je ne sais plus où vous le racontez, mais je l'ai lu, que quand une créature arrivait dans un restaurant, il prenait aussitôt une voix caverneuse. Il avait une voix de théâtre. Il s'écriait... Quelle est cette créature que le ciel nous envoie? Ben, c'est vrai qu'il était un peu... Les femmes comptaient beaucoup pour lui, c'est ce qu'il faut bien dire. Hein. Et d'une façon évidente. Et je crois qu'il aurait abandonné n'importe quel interlocuteur, même si ça avait été le plus haut placé dans le rang de la pensée, s'il y avait eu une petite qui lui plaisait, qui passait à portée, il était tout pieux. Ah oui, ça c'est vrai. C'est drôle d'ailleurs parce que c'est une phrase en général qu'on attribue à Sartre, ça. Ah oui. Mais oui, il dit n'importe quelle conversation avec un professeur de philosophie ou un philosophe ne remplace pas la compagnie d'une jeune fille. C'était peut-être vrai pour Sartre aussi. Hein. Mais Camus, c'est incontestable. Moi, je ne connaissais pas Sartre. Je l'ai croisé, Sartre, mais après, je ne le connaissais pas. Donc, il ne faut pas en parler. Mais Camus, c'était évident. Il se précipitait vraiment. C'était vraiment presque un séducteur machinal, là, vous voyez. Je ne sais pas si... Il ne faisait pas tellement de tri. Hein. Il voulait plaire. Voilà. C'était dans sa nature. C'était un séducteur né. Vous savez, Don Juan, parmi les mille traits, il devait avoir certaines... Il y avait un tropisme don juanesque chez lui. Voilà. Oui. Il parlait de Don Juan dès le mythe de Sisyphe. Oui. Et il a continué à en parler ensuite, oui. Puisqu'il en reparle dans L'Homme révolté. Ceci dit, il était quand même capable... Don Juan, je ne crois pas, mais Camus était capable d'un grand amour. C'est ce que j'allais vous dire. Oui. Il était capable d'un grand amour, il était capable d'aimer simultanément même plusieurs personnes. Oui. Ah oui, oui. Oui, parce qu'un jour, il m'a dit, je voudrais écrire une pièce sur, je crois que c'était Julie de Lespinas, qui avait vécu simultanément deux amours pour deux hommes. Et ça c'était un thème qui était chez lui profond. La polyandrie, non pas la polygamie. Voilà, la polyandrie. Mais je crois quand même que Maria Cassares a été le grand amour de sa vie. Il me semble. Il m'en a parlé souvent. Je me souviens, aux Rouquettes, au boulevard Saint-Germain, c'était l'été, et il m'a dit, j'ai reçu une lettre de Maria ce matin, mais il me suffit de la savoir heureuse sur une plage, ma journée est gagnée. Et je crois que vraiment, il avait un très grand attachement pour elle. Est-ce qu'il y avait déjà des moineaux qui venaient picorer les miettes de pain au Rouquet? Je me souviens plus, c'est bien possible. Et Maria Cassares, donc? Oui, il allait la voir d'ailleurs très régulièrement, souvent, quand nous déjeunions ensemble. Enfin, on n'a pas déjeuné très souvent ensemble, on dînait surtout. Mais on a eu quelques déjeuners. Bien, après le déjeuner, il allait voir Maria Cassares. Je l'accompagnais jusqu'à... C'est cette rue la plus longue de Paris, la rue, vous savez. Rue de Vaugirard. C'est ça, oui. Du côté de Pasteur, elle avait un appartement. Mais le lien avec Maria Cassares précède aussi Maria Cassares, puisqu'elle est aussi la fille d'un républicain espagnol, voilà. Ce qui était très important chez Camus. C'était très important, bien sûr. Et je crois qu'elle avait tout pour lui plaire. C'était une très belle femme, une grande actrice, espagnole, fille d'un grand républicain, enfin, je veux dire... Camus disait à propos des Justes, c'est Maria Cassares qui m'y fait penser, puisque dans Les Justes, Maria Cassares tient le rôle de Dora. Mm-hmm. À propos des justes, il disait que il ne se faisait pas lui-même trop d'illusions sur la qualité de sa pièce, comme d'ailleurs sur celle des œuvres qui la précèdent, et qu'en définitive, tout ça était encore à écrire et ouais. à faire et devant lui. C'est en 49, les juges. Je me souviens, j'étais allé voir la pièce, je ne le connaissais pas encore. C'était... La mise en scène était comment? Je ne me souviens plus. Il y avait Reggiani, Cazares, Bouquet. Ah, l'interprétation, oui, il y avait Bouquet, Reggiani et Cazares. Oui. Oh, c'est une belle distribution. Et, sauf qu'à l'époque, ils avaient tous 25 ans. Voilà. Et oui, Bouquet, exactement le même âge que moi. Oui. Et il a eu une attaque de nouveau de sa maladie. La tuberculose. Tuberculose, oui. C'était d'ailleurs la dernière grave attaque qu'il a eue, mais enfin, il était couché, il ne pouvait pas bouger. Au moment où on jouait la pièce. Vous connaissez l'histoire des cartes postales qu'il envoyait à ses acteurs? Non. Il paraît qu'il envoyait fréquemment à ses acteurs des cartes postales pour leur dire « je suis avec vous, je vous soutiens », etc. Ouais. Et en particulier au moment des possédés. Ah bon? Et comme les possédés étaient en tournée quand il est mort, ses acteurs ont reçu au lendemain ou au surlendemain de sa mort des cartes de Camus disant « je suis avec vous, je pense à vous ». Ah, c'est terrible. Hein. Et c'était une très lourde machine est possédée. Vous vous souvenez de lui au moment où il travaillait dessus? Il vous en parlait? Oui. Et puis alors il y avait un investissement financier très lourd. Il y avait des gens qui avaient produit la pièce. Je crois que les Gallimard avaient mis de l'argent dans la pièce. Si mon souvenir est exact. Et je me souviens d'une chose très touchante. Pendant les dernières répétitions des possédés, il apprend que je suis malade. J'habitais rue de Bruxelles, un petit tuyau, j'étais seul. Et je l'ai vu arriver un jour. Il avait quitté la répétition, alors que c'était à quelques jours de la générale, et il était venu me voir pour me prendre de mes nouvelles, m'indiquer un médecin. Et même sur le moment, je ne me suis pas rendu compte à quel point. Parce que tous les gens attendaient quand même. Hein. Il n'est pas resté toute la journée, mais enfin, il est resté un bon moment avec moi. Et ça, c'était Camus, vous voyez, une sorte de générosité. Il pouvait quitter comme ça, une répétition, faire attendre les acteurs pendant un moment, parce que quelqu'un qu'il aimait bien avait besoin de lui, ou il supposait qu'il pouvait avoir besoin de lui, vous voyez. Quand et comment avez-vous appris sa mort? C'était donc le 4 janvier 60. Et ce jour-là, je travaillais chez Vuillard. Et j'étais parti à l'heure du dîner pour voir un vieux lecteur de chez Vuillard, François Legris, qui était très âgé et qui était immobilisé chez lui. Alors, j'étais parti pour aller lui faire une petite visite. Il habitait boulevard de la Tour-Maubourg. Il pleuvait, un temps très gris, très maussade. Et en passant devant le petit square des Invalides, j'ai été pris d'une sorte de malaise. J'étais obligé d'entrer dans le square et de m'asseoir. Et j'ai eu une vague de tristesse, mais qui me tenait comme ça, sans que je sache pourquoi. Et devant moi, il y avait un marin, je me souviens, qui tenait sa petite amie sous son manteau. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit se passer quelque chose. Alors j'avais mes deux enfants qui étaient au sport d'hiver, j'ai pensé à eux. Ils devaient revenir en voiture. Enfin, bon, finalement, ce malaise est un peu dissipé, j'ai regardé maman, qui était 2h moins le quart. Et puis j'arrive chez Legris, et je regarde de nouveau maman, 2h moins 5. Il faut que je me souvienne de cela tout de même. Je rentre, je fais ma visite, cette mauvaise impression se dissipe, puis je reviens à mon bureau, rue de l'Université, Il y a 5 heures exactement, j'ai reçu un coup de téléphone de Maurice Noël, qui était le directeur du Figaro littéraire, et qui me dit, pour un biais, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Camus s'est tué tout à l'heure, on va dire. Et la montre du tableau de bord était arrêtée à 2h25, la façade Béga. C'est étrange, hein. Je ne peux pas donner d'explication, hein. Je ne sais pas, je vous dis exactement ce qui s'est passé, c'est tout. Mais ça m'a... Rétrospectivement, ça m'a... C'était inoubliable. Une question, au-delà de ça. Bien sûr, vous aviez écrit vos premiers livres, mais si vous me permettez, le meilleur était à venir. Bien entendu. Le meilleur était à venir. Ce que j'avais écrit, c'était négligeable. J'avais d'abord très peu écrit, et puis j'avais pas... Finalement, c'était au théâtre où j'ai trouvé ma voix, mais je l'ai trouvé très âgé. Comme le meilleur était donc devant vous, ce qu'on peut dire maintenant, est-ce que vous n'avez pas le regret de ne pas l'avoir partagé avec lui? Enfin, bien sûr, mais... Si, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il aurait été très attentif à mes pièces, il aimait le théâtre. Et que ce que je lui avais donné à lire, de l'amour, c'est un petit récit, enfin, comme... qui n'a rien de particulièrement original, vous voyez. Et je suis persuadé que mes pièces, je ne dis pas qu'il les aurait aimées, mais enfin, il aurait été attentif. Et il me semble tout de même que j'ai trouvé ma voix, VOX, avec mes pièces. Que c'est à partir du moment où le fauteuil a bascule, que j'ai été entendu. Jusque-là, j'avais pas de public, j'avais quelques amis qui voulaient bien lire mes livres, c'est tout. Mais enfin, j'étais complètement inconnu, complètement... personne ne m'avait entendu, vous voyez. Et c'est à partir de ce premier bascule où ça a été en une soirée où j'ai eu l'impression d'être entendu. Être entendu, quand on est camusien, signifie au moins 2 choses. La première est d'être écouté, la deuxième est de n'être pas la victime d'un malentendu, ce qui, chez Camus, est beaucoup plus difficile. Jean-Claude Briseville est mort aujourd'hui, et je retiens pour ma part qu'au terme de la discussion que nous avions eue à l'époque, il m'avait dit en pleurant et en me tenant le coude, on perd ses amis tous les jours. C'est la fin provisoire de cette grande traversée. Si vous souhaitez compléter cette écoute néanmoins par une discussion de bonne intelligence entre camusiens de bonne volonté, vous pouvez dès maintenant entendre ou réentendre l'émission que, dans le cadre de cette grande traversée, nous avions consacrée à l'examen du mythe de Sisyphe en compagnie d'André Comte-Sponville, un grand camusien devant l'absence d'éternel. Enfin, on se retrouve demain, évidemment, sur France Culture pour la suite de cette grande traversée. Et demain, d'ailleurs, on vous emmène en haute mer, puisqu'on va vous immerger pendant 2 heures dans le texte ahurissant de L'étranger, en compagnie de 2 très fins lecteurs, Myriam Korichi et l'excellent Laurent Bove. À demain.